durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la relation du numérique avec le développement durable. Si elle n'est pas immédiatement perceptible, le numérique impacte pourtant à la fois les sphères écologiques, économiques et sociales. Nous sommes à Épinal, dans les Vosges, chez la développeuse web Claire Zuliani. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Claire Zuliani, merci de nous recevoir chez vous, ici à Épinal. Alors, vous êtes développeuse web à votre compte, mais surtout, vous entretenez un lien particulier avec le développement durable. Oui, tout à fait. Je suis développeuse web à mon compte depuis un an, mais je travaille surtout sur des projets qui sont en lien, on va dire, plus ou moins proche avec le développement durable. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité qui est assez proche des domaines de l'économie sociale et solidaire. Donc je suis attentive aux questions d'inclusion, de web responsable, d'éco-conception éventuellement. Ce sont des questions qui m'intéressent et que j'essaye de creuser à travers mes projets. Alors ça, on va avoir un peu de temps pour précisément le creuser, mais en préparant cette émission, Claire Zuliani, vous m'aviez prévenu avoir peut-être parfois un vocabulaire un peu technique. À l'instant même, vous venez de parler d'inclusion, ça veut dire quoi ? Inclusion, je l'entends au sens où certains outils sont pensés sans penser justement aux personnes auxquelles ils sont destinés. Il y a beaucoup de projets web qui sont issus de start-up, par exemple. On parle beaucoup de Start-up Nation en ce moment, qui peuvent être pensés un peu hors sol, sans intégrer la personne à qui c'est destiné en amont du projet. C'est-à-dire la technique un peu pour la technique, quoi. C'est ça, c'est un peu de ça. C'est non seulement la technique pour la technique, mais aussi quelqu'un qui a une brillante idée en tête, mais qui ne sait pas vraiment si ça répond à un réel besoin. Alors, le web, évidemment, c'est tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait à l'Internet, à la fabrication de sites aussi, j'imagine. Est-ce que ça veut dire, Claire Zuliani, que vous refusez, par exemple, de travailler pour un client qui, je ne sais pas, moi, vendrait, par exemple, des voitures très polluantes ? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de refuser ce type de projet-là. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Ça m'est arrivé de grincer un peu des dents sur des projets que j'ai pu mener par le passé à un moment où j'étais employée dans une agence et non pas à mon compte. Alors, une agence de communication. Une agence de communication qui était plutôt spécialisée web, donc j'étais développeuse pour eux. Et il y avait certains projets où je sentais qu'on était un peu, parfois, qu'il y avait des demandes des clients un peu limites sur des données. Il y a des projets que l'agence a refusés et je les remercie. Et d'autres où ça allait encore, mais on était sur une pente qui pouvait être un peu dangereuse. Ça, c'est le lot souvent des agences de communication qui vont travailler leurs créatifs en les stressant beaucoup parce qu'ils ne sont pas forcément en adéquation avec leurs propres valeurs. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans vos bureaux. En fait, de bureau, Claire Zuliani, c'est un appartement, c'est votre appartement, c'est une pièce de votre appartement parce que, en tant que développeuse, pas forcément besoin d'un immense atelier. On est au centre-ville d'Épinal. Et votre bureau, Claire Zuliani, c'est bien sûr des ordinateurs, plusieurs écrans, mais il y a aussi deux vélos. On est pourtant à l'étage. Il y a une plante verte, il y a des sacs de couchage sur une étagère. Puis il y a un chat. C'est votre environnement, c'est votre lieu de travail. Oui. C'est mon environnement depuis un an, depuis que je suis à mon compte. Avant, j'avais travaillé uniquement en open space ou dans un espace de coworking. Et là, c'est vrai que depuis un an... C'est quand même deux anglicismes dans la même phrase. Open space, espace de coworking, tout à fait. Open space, espace ouvert où on est plusieurs dans une même salle. Espace de coworking sont des espaces de bureaux partagés, mais qui là sont entre des personnes qui sont soit à leur compte, soit employées par des entreprises différentes. Alors là, vous êtes en coworking dans un open space qui est une pièce et avec votre collaboratrice qui est un chat qui s'appelle comment du reste ? Qui s'appelle Maki, mais pas comme les choses qui se mangent, CKY. Mais on a hérité de ce chat-là avec déjà ce nom-là. Bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, Claire Giuliani, c'est votre activité de développeuse web. Pour que l'on comprenne bien votre travail, peut-être quelques exemples. Alors, ces derniers temps, j'ai travaillé notamment avec une association ici, d'Épinal, sur un site qui était plutôt une application. Par application, enfin je parle d'application plutôt que de site, parce qu'une application, pour moi, est un outil. Un site va plutôt être un site vitrine, on va présenter des contenus statiques, présenter une entreprise. Une application, c'est plutôt un outil, une plateforme que des personnes utilisent pour se relier les unes aux autres, pour agir les unes avec les autres. Et donc là, il s'agissait d'une application qui a été créée avec un groupe de futurs utilisateurs, en l'occurrence des personnes de cultures étrangères qui habitent à Épinal et qui sont arrivées depuis peu. Et l'application en question avait pour objectif de mettre en relation des personnes de cultures différentes autour d'activités. Donc c'est clairement un site de rencontre, mais pas du tout du genre mythique. Là, il s'agit vraiment d'axer sur le côté interculturel, donc en mettant en avant les langues qui sont parlées. Il y avait un gros travail de fait également au niveau de l'ergonomie, c'est pour ça que c'était important de travailler avec des personnes qui ne parlent pas la langue, puisque ça nous a permis d'utiliser du vocabulaire le plus simple et le plus compréhensible possible sur toute l'application. Le travail aussi consistait à choisir judicieusement les icônes pour que ça parle à toutes les cultures et qu'il n'y ait pas non plus d'icônes qui puissent heurter des sensibilités. Donc aussi bien que ce soit compréhensible et que ce soit aussi acceptable par tout le monde. Et ce projet-là a été lancé le 15 mars. Dans les autres projets, j'ai travaillé dernièrement sur, et là ça va encore être bourré d'anglicisme, mais ce sont les termes vraiment qui sont utilisés, sur une marketplace, donc une place ça de marché. Bien. Voilà, une place de marché d'échange de services entre entreprises, dans le domaine des ressources humaines. Et ça, c'était pour une association qui est parisienne, et ça a été un projet qui a été mené au sein d'un réseau d'indépendants, de professionnels du web qui s'appelle Apidev, qui est sur toute la France. Et donc c'était la première fois que je menais un projet avec eux, et cette fois c'était un projet vraiment en équipe, on était 5 personnes, donc sur des postes très différents, alors que le projet précédent, nous étions en binôme, donc la graphiste et moi. On comprend mieux à la fois votre sensibilité, Claire Giuliani, et puis votre domaine d'intervention. C'est souvent d'ailleurs ce que l'on peut reprocher à des gens qui interviennent dans le web, où ce sont des techniciens purs, fascinés par le codage, par exemple, et la fabrication de l'outil, sans se préoccuper finalement de l'usage qu'on en a. Vous, c'est presque une entrée, je veux dire, plus par l'humain. Ouais. Vous m'interrompez, vous me corrigez si je me trompe. Et finalement, l'informatique au service de l'humain. Tout à fait. C'est, disons que l'aspect engagé est un aspect qui a vraiment irrigué tout mon parcours. Alors ça me donne envie d'en parler dès maintenant, alors que c'est prévu pour la fin de l'émission. mais ça donne aussi pas mal d'explications sur la raison pour laquelle j'en suis là où je suis et sur la focale particulière. Mais est-ce que ça change quelque chose dans l'usage que vous faites du web, de l'Internet? Parce que, là encore, en préparant l'émission, Claire Giuliani, vous avez souhaité indiquer d'emblée que le numérique était un désastre écologique. Pour beaucoup de gens, on reçoit tous des mails aujourd'hui, on se dit, super, ça évite de couper des arbres. Il y a les deux versants de la pièce. Il y a vraiment les deux versants de la pièce. Il y a aussi bien le numérique. Enfin, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont assez effroyables sur le numérique, sur ce que ça induit en termes de consommation, des émissions carbone produites par les data centers. Qui sont l'équivalent maintenant des productions de petits pays, par exemple. Mais il y a aussi, suivant comment on regarde le numérique, il y a aussi ce côté positif, non seulement des économies qui peuvent être possibles parce que le numérique peut éviter des déplacements, parce que le numérique permet d'éviter d'imprimer toute la dématérialisation, c'est compliqué comme mot, permet aussi pas mal d'économies. Ça dépend vraiment comment est-ce qu'on regarde cet objet-là, le numérique. En même temps, l'utilisation du web aujourd'hui dans le monde, Claire Giuliani, ce n'est pas uniquement à titre professionnel. Et on sait aussi que la plus grande part d'utilisation du web, c'est le sexe. Alors, j'ai pas de chiffres précisément sur ce Moi domaine-là. Moi non plus, mais je le sais. D'accord. Ça, c'est pour moi une question de presque de modèle économique. Effectivement, la plupart des industries du web qui se sont emparées du numérique, pour beaucoup d'industries, c'est avant tout un moyen de faire de l'argent. Mais depuis ses débuts, en fait, le numérique est un peu une espèce d'hydre à deux têtes irréconciliable. Parce qu'il y a le numérique qui est capteur de données, qui est un allié, on va dire, du capitalisme capteur le plus crasse, et de l'autre, l'utopie du web du début. Et cette utopie-là est encore portée par toute une frange des personnes actives dans le web, et est plutôt une utopie de comment est-ce qu'on redonne de la capacité d'action aux gens, comment est-ce qu'on partage ensemble de façon libre, mais pas libre comme libre-échange, libre en termes de générosité, et de réutiliser des choses qui ont été construites par d'autres personnes. Au fait, vous voulez un café ? Ah, volontiers. Eh bien, c'est parti. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Nous sommes toujours chez Claire Zuliani, développeuse web à son compte à Épinal, avec un lien très particulier avec le développement durable. Merci pour le café, au reste. Pas de quoi. Claire Zuliani, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser le numérique, en l'occurrence Internet, les web, les sites web, de manière qu'on pourrait qualifier d'écologique ? Alors, il y a des astuces, on va dire qu'il y a des bons gestes écologiques à mettre en place avec le numérique, qui peuvent être par exemple de ne pas mettre de pièces jointes, mais plutôt d'envoyer des liens dans les courriels, éteindre ses appareils numériques, mais ça c'est le cas pour tout ce qui est électronique aussi. Mais ce que je trouve intéressant au-delà de ça, pour moi c'est toujours compliqué de se reposer sur les individus pour vraiment baisser leur consommation numérique. Pour moi, il y a tout un système qui est en jeu dans la consommation ou dans une approche plus écologique du numérique. Au niveau des infrastructures, par exemple, il existe maintenant des data centers, c'est-à-dire des fermes de serveurs qui hébergent des sites web, qui, au maximum, essayent d'avoir une empreinte carbone proche du zéro. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont réutiliser toute l'énergie qui est produite, qui est générée pour autre chose, pour chauffer de l'eau, pour chauffer des logements. Oui, parce que ces data centers consomment énormément d'énergie pour refroidir, en fait, toutes les machines qui stockent ces données et cette énergie, bien sûr, est consommée et produite par une source d'énergie. Ouais. Et puis ensuite, souvent, est perdue simplement parce qu'on refroidit. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais à côté de ça, ce qui me semble aussi intéressant avec le numérique qui peut permettre un usage écologique, non pas du numérique en tant que tel, mais des usages. En fait, ce sont plutôt les usages du numérique qui peuvent conduire à des comportements qui sont plus écologiques. On peut penser par exemple à tout ce qui va être économie collaborative ou économie circulaire qui est facilité par le numérique. En ce que le numérique permet de faciliter des échanges et de mettre en commun aussi des ressources bien plus facilement qu'auparavant. Sans compter évidemment la facilité des moyens de communication, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, vraiment ce changement de paradigme qui est induit par l'usage du numérique. Le covoiturage, par exemple, a vraiment gagné beaucoup, c'est vraiment amplifié grâce aux plateformes numériques. Par contre, c'est vrai que ça peut être aussi, on va dire, il peut y avoir des effets rebonds à ces usages-là. Oui, parce que par exemple, le covoiturage, ça n'empêche pas les voitures de circuler, puis ça bide les trains. Exactement. Exactement. Certains, il y a des études, il me semble qu'on peut trouver, la FING notamment, qui s'est penchée sur ces questions-là et qui a édité, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours, un livre blanc, transition numérique, transition écologique, pour voir de quelle façon la transition écologique pouvait s'appuyer sur le numérique et qui parle de ces fameux effets rebonds. Donc notamment dans le domaine du covoiturage, en disant qu'il y a un effet d'opportunité qui est créé aussi par les plateformes de covoiturage, la FING se demande également, la FING, Fondation Internet Génération, donc c'est vraiment un institut qui se focalise sur ces questions du numérique, se demande même si le Bon Coin, par exemple, qui logiquement devrait permet le réemploi, finalement c'est aussi une autre façon de consommer, de pousser à consommer encore plus. Alors ça me fait penser aussi, Claire Zuliani, à ces applications, à ces sites web qui fleurissent aujourd'hui pour presque tout et n'importe quoi. Comme par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais on peut probablement les retrouver facilement sur Internet, le fait de par exemple s'échanger ses magazines, alors que finalement on peut descendre d'un étage, aller boire un verre dans une auberge ou dans un café, et puis si j'ai fini de lire mon article ou mon magazine, je le pose, je le mets à disposition de tout le monde, on n'a pas forcément besoin d'Internet pour ça. Et finalement on s'aperçoit, on peut presque se poser la question de savoir dans quelle mesure, sous prétexte de lien social, l'Internet n'est pas en train de le briser précisément. Alors là-dessus, je ne vous rejoins pas entièrement, pour le coup. Pour moi, les deux sont complémentaires. Il y a toujours un intérêt à avoir une proximité réelle et directe dans la vie réelle. J'ai l'expression IRL, in real life, qui me vient en tête. Mais ce sont des usages qui peuvent vraiment être complétés aussi par le en ligne. Je sais, moi, autour de moi, par exemple, j'ai des amis qui, pendant leur adolescence, étaient extrêmement isolés et se sont trouvés une famille sur le net, en intégrant des forums de discussion, ce qui leur a aussi permis de s'épanouir, de grandir dans un environnement qui était parfois plus sûr que chez eux. Donc ça, c'est un exemple un peu extrême, mais il y a une vraie complémentarité à mon sens. Les personnes peuvent être plus à l'aise. C'est à mon tour de ne pas être tout à fait d'accord avec vous, Claire Zuliani, parce que on connaît tous aussi ces scènes où, attablés dans un restaurant, les convives, au lieu de se parler, sont tous soit en train de prendre en photo leur plat pour les poster sur Facebook, ou alors de chatter avec quelqu'un à l'autre bout du monde au lieu de discuter tous ensemble. L'effet pervers du net. Ça peut être un des effets pervers du net, mais je ne suis pas sûre que ça brise des sociabilités, ça en construit de nouvelles. À mon sens, c'est plutôt ça. Des nouvelles sociabilités que moi-même, je ne mesure pas forcément entièrement. Je suis trentenaire, donc je suis à mi-chemin, je dirais, entre deux générations. Internet est apparu à l'époque où j'étais adolescente. Donc je perçois certains des usages, je perçois de nouvelles formes de sociabilité pour moi-même les expérimenter. Mais certaines fois, effectivement, où les usages débordent et où l'addiction est trop forte. Mais ce phénomène d'addiction, ça fait partie, de choses qui sont dues à une certaine conception du web, à une certaine conception du numérique. Au point que les adolescents d'aujourd'hui, en moyenne aujourd'hui, passent moins de temps à l'extérieur qu'un prisonnier dans sa cellule. Alors je m'explique, quand je dis un président de ces cellules, c'est évidemment en promenade. On dit qu'aujourd'hui un jeune en moyenne passe moins de temps dehors qu'un prisonnier en promenade. Alors ça, je n'ai pas non plus, je ne sais pas exactement quelles sont vos sources là-dessus. Le lien, en revanche, du chiffre. Claire Zugani, en tant que développeuse web, est-ce que vous ne vous compliquez pas énormément la vie? Évidemment, c'est tout en votre honneur, mais est-ce que ça vous permet d'avoir des activités, des clients qui sont dans cette préoccupation honorable de l'usage du numérique face aux enjeux du développement durable et de l'environnement? Première question. Deuxième question, est-ce que ça ne reste pas affreusement marginal comme préoccupation aujourd'hui? De moins en moins. De moins en moins marginal. De moins en moins marginal, déjà pour commencer, dans l'écosystème même des personnes qui font le web. Actuellement, il y a de plus en plus d'anciens cadres, par exemple de Facebook ou de Google, qui sortent des entreprises et qui viennent raconter aux médias qu'ils sont horrifiés eux-mêmes de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont produit. Ça, ça me fait penser à un inventeur dans un autre domaine, ouais. Des dosettes en aluminium et plastique mélangé, aussi de réutilisées ensuite par des grandes marques, mais qui lui-même a été effrayé par la quantité de déchets que son invention a produite. Mais c'est un autre domaine, mais ça s'approche assez de votre propos. Le phénomène est assez proche, effectivement. Et c'est vrai que depuis, on va dire, 2 ou 3 ans, il y a de plus en plus de discussions sur l'éthique du web, sur la nécessité peut-être de développer un code de déontologie également du web. Ce sont des discussions qui avaient commencé à émerger il y a longtemps, mais qui reprennent vraiment une vigueur neuve actuellement. Et c'est vrai que, autant auparavant, quand on parlait de numérique, quand on parlait de web, il s'agissait de faire des petits sites vitrines qui étaient totalement inoffensifs. Mais maintenant, il s'agit d'équiper des voitures autonomes, par exemple. Le numérique est aussi pénétré très fortement dans les hôpitaux, dans la justice, dans les systèmes de votation. Donc il y a une responsabilité qui est extrêmement forte pour les développeurs de coder et de développer des outils qui soient... qu'ils soient éthiques, qu'ils soient respectueux de leurs utilisateurs. Et c'est une préoccupation qui est de plus en plus forte. Donc dans la communauté professionnelle, et merci de vous soucier de mon activité, effectivement, il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont conscientes des dérives potentielles du numérique et qui veulent un autre numérique, qui veulent retrouver un autre esprit du numérique ou sauvegarder, ne serait-ce que sauvegarder la neutralité du net, par exemple. Donc il y a des batailles qui continuent, il y a des forces qui sont contraires, mais j'ai l'impression que nous sommes de plus en plus nombreux. Alors peut-être du côté des développeurs, est-ce que du côté de la clientèle, que ce soit les particuliers ou les entreprises ou les collectivités, est-ce qu'il y a cette même préoccupation, Claire Zugani? La préoccupation est présente et d'autant plus quand elle est appuyée également de garants législatifs. Là, le règlement général de protection des données qui va entrer en œuvre à partir du mois de mai va faire beaucoup aussi pour sensibiliser les entreprises sur des questions de respect de vie privée, de respect des données. Donc la sensibilité est de plus en plus forte, mais il faut aussi qu'elle soit accompagnée de vraies directives ou de vraies obligations, on va dire, plutôt légales. Excusez-moi, il faut que je prenne. Un client, je vous en prie, Claire Zugani. Nous, on va écouter de la musique pendant ce temps. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Claire Zuliani, c'était un client, cet appel ? Oui, tout à fait. C'est une personne en fait qui m'avait déjà contacté, qui voulait mon avis sur un outil open source. Donc open source, ça veut dire avec le code qui est ouvert, qui est accessible et qui peut être transformé par la suite. Et il se trouve qu'ils veulent fédérer, mettre en commun un outil pour gérer différents lieux sur l'île. Donc des lieux qui seraient des tiers-lieux, donc des lieux ouverts où on peut mener différentes activités. Et ils ont un outil en tête et ils souhaitaient mon avis sur le code. Et vous avez donc des clients sur l'île. Alors même, Claire Zuliani, que vous êtes développeuse web à Épinal, à votre compte, et on évoque avec vous eh bien, justement l'interrelation entre le numérique et le développement durable. Alors, vous nous expliquez que jusqu'à présent... Et le chat nous écoute avec beaucoup d'attention, qu'il y avait cette double entrée, à la fois le web très consommateur d'énergie avec un impact très négatif sur l'environnement, mais le web, toujours d'après vous, peut aussi être un outil utile pour la transition. Tout à fait, puisqu'il y a des outils qui sont aussi adaptés à des démarches de transition. Des outils qui vont être respectueux, des usages qui vont donner plus d'autonomie tout en étant extrêmement légers. Donc moi, c'est le type d'Internet que j'ai tendance à promouvoir. Donc je pense à des associations comme Framasoft qui fait un travail absolument énorme pour mettre à disposition des outils légers pour fixer des dates en commun, écrire en collaboratif, etc. Et ce sont des outils qui méritent d'être encore plus connus, même s'ils sont de plus en plus connus. Claire Zuliani, est-ce qu'on peut imaginer, un peu comme dans l'alimentation, parce que finalement, quand on va acheter ses légumes ou sa viande, on peut être sensible à l'impact, à la fois pour la santé humaine, mais aussi sur l'environnement, et donc on va plutôt, pour ceux qui le sont, sensibles vers des produits bio. Et là, on a le label AB, par exemple, ou au niveau européen. Ou alors le plus judicieux, c'est encore d'aller voir le producteur et d'acheter en circuit court. Est-ce qu'on peut imaginer une démarche similaire, labellisée pour le commun des mortels qui n'a probablement pas votre technicité et de se dire, voilà, si j'utilise telle ou telle application ou tel service internet numérique, eh bien, j'ai le sentiment de contribuer à réduire mon empreinte et mon impact sur l'environnement. Alors, sur des questions qui agitent également l'écosystème du numérique sur cette idée de label, mais pour le moment, on n'arrive pas à arriver à un consensus sur ce que doit être ce label, ce qu'il doit recouvrir, à quoi il doit permettre d'accéder. Par contre, il y a des signes qui mériteraient d'être mis en avant, qui sont gages, on va dire, d'une certaine qualité en lien avec le développement durable, qui sont notamment l'ouverture des logiciels, l'ouverture des sites. Donc, tout ce qui va être démarche open source et open data, open alors source, là, on marque une pause, Claire Zuliani. Oui. Vous allez nous expliquer bien en détail ce que signifie un site ouvert, parce qu'évidemment, il n'est pas question de rentrer dans le site comme dans un magasin, évidemment. Le concept d'open source. Open source, c'est ouvrir ses sources. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir le code dans le détail. N'importe qui, évidemment, ne le comprend pas, ce code. Mais la transparence d'ouvrir son code, de le laisser avoir, permet d'introduire directement beaucoup plus de confiance dans le code, puisque quelqu'un sera en mesure, de toute façon, de pouvoir décrypter ce que fait le code. Si on couple cette notion d'open source avec une notion d'open data, donc de données ouvertes, on peut intégralement voir comment fonctionne tout le système. Des données ouvertes, ça veut dire que ce sont des données qu'on peut donner, auxquelles on peut réaccéder par la suite. Par exemple, l'automne dernier, l'État français a mis à disposition toutes les données qu'il possède sur toutes les entreprises et toutes les associations qui ont un numéro de SIRET. Donc on peut nous-mêmes accéder librement à toutes les données des associations de notre département, par exemple. Et ça, ça permet également de développer plus de services, puisqu'on n'a pas réinventé la roue, une plus grande transparence sur ce qui est fait des données. C'est aussi utile même pour la confiance dans la vie politique, par exemple. C'est exactement ce que Bill Gates a compris. En fermant précisément l'usage de ces outils, on utilise tous, nous sommes des millions, peut-être des milliards, à utiliser bien sûr les services de Microsoft. Alors sans aller dans cet extrême-là, Claire Zuliani, en même temps, ou à la fois, il faut également pouvoir vivre de son activité. Vous êtes vous-même web développeuse ou développeuse web, c'est une activité professionnelle, vous avez bien besoin de vous alimenter tous les jours. Si tout est ouvert, si tout est transparent, si tout est gratuit, quel est le modèle économique? Je vous vois sourire, j'attends votre réponse. Alors deux remarques, il se trouve, contre toute attente, que Microsoft est un plus gros des contributeurs open source. Maintenant, leur politique a changé. Et la politique peut-être se permettre aussi, non? Mais ils ont compris aussi tout l'intérêt qu'ils avaient à le faire, aussi bien en termes d'image qu'en termes d'efficacité économique pure. Et ensuite, open source ne signifie pas gratuit. Il est question, tout dépend de la licence qui est utilisée. Il y a des licences qui sont dites permissives, qui permettent que n'importe qui réexploite du code aussi bien commercialement que non commercialement, et des licences qui sont plus restrictives, le code est ouvert, mais si on veut pouvoir exploiter le code, il faut qu'il soit exploité sous les mêmes conditions, c'est-à-dire en ouvrant le code également. Ça peut freiner les ardeurs de ceux qui veulent faire une utilisation commerciale du code. Et on peut également... Enfin, le modèle économique autour de l'open source est un petit peu différent. Généralement, il y a quand même des temps d'installation, par exemple, et de configuration. Ça fait partie des éléments qui peuvent être vendus. Il y a également des temps de formation qui peuvent être vendus. Et à partir de briques open source, on peut aussi construire des produits qui sont différents. Donc l'open source peut être une composante, mais ensuite il y a souvent besoin d'une adaptation qui est spécifique à un besoin d'un client en particulier. Donc il y a des vrais modèles économiques autour de l'open source. Est-ce que ces modèles économiques, Claire Zuliani, sont aujourd'hui étudiés, stables, connus? Est-ce que ça fonctionne réellement? Ça fonctionne réellement pour certaines entreprises, un peu moins pour d'autres. Il y a des produits qui sont open source, qui sont vraiment créés par des entreprises, donc où il y a du temps de salariés qui est vraiment dédié et qui est payé pour développer des outils open source. De plus en plus d'entreprises aussi dédient du temps de leurs salariés à eux pour contribuer aux outils open source qui sont utilisés en interne. Mais il y a également des produits open source qui sont développés par une toute petite équipe bénévole. Et là, il y a un problème sur tout ce qui est la maintenabilité du code, parce que maintenir du code, à répondre aux questions, débugger, demande un investissement qui est très très fort et qui peut être usant à terme. Et puis le bénévolat, même si c'est évidemment une ressource pour la collectivité, ne permet pas, jusqu'à preuve de contraire, de vivre du bénévolat. C'est même la définition. Oui, là-dessus, sur on ne peut pas vivre du bénévolat, mais le bénévolat, œuvrer dans l'open source, permet aussi de se faire une réputation. Donc ça, c'est un des points d'entrée. Ça, c'est du bénévolat, bien compris. Alors, on évoquait aussi, Claire Zuliani, l'intérêt du numérique précisément comme outil pour la transition. Oui. En fait, je viens d'un monde à la base qui n'était pas numérique, ce qui fait que j'ai un regard presque extérieur sur le numérique et sur ce que ça change par rapport à certaines cultures. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est, on va dire, la fécondité qu'il pouvait y avoir dans les croisements entre la culture numérique et la culture de la transition. Ce que peut apporter, par exemple, la culture numérique, c'est une certaine culture de l'ouverture dont j'ai déjà parlé, et donc une certaine confiance. C'est pas la peine de garder ses idées pour soi ou de garder dans le secret vraiment des projets qu'on a, mais au contraire, on peut en parler ouvertement, et c'est ça qui fait aussi fructifier des collaborations, qui permet de mettre en lumière des projets et d'avoir des croisements avec d'autres projets et d'œuvrer plus en commun les uns avec les autres. Ce que j'ai aussi apprécié et qui me semble intéressant dans la culture du web, dans la culture du numérique, c'est une notion qui vient plutôt du milieu des hackers. Donc les hackers sont des personnes qui sont plutôt engagées, qui mettent vraiment les mains dans le code et qui essayent de démonter le code ou d'en refaire autre chose. Ça peut être aussi bien pour du bien que pour du mal. Les hackers ne sont pas forcément des personnes qui veulent détruire les sites et rançonner des gens. Il y a des pirates et puis il y a des Robin des Bois. C'est ça, exactement. Et ils mettent en place une culture de ce qu'ils appellent la douxocratie, doux du verbe faire en anglais. Et donc, bah, c'est ceux qui font, qui ont légitimité à faire. Ne pas simplement parler de yaka, faucon, des discussions à tout va, mais on fait quelque chose, on tente quelque chose, ça échoue ou pas, on analyse et on recommence. Et on avance comme ça graduellement, petit pas par petit pas, itération par itération. Et ça, ça me paraît être une façon de faire aussi que je trouve très intéressante pour les mouvements de transition. On pourrait s'inspirer plus de mouvements de la transition. Faire des choses petit à petit, brique après brique, brique après brique, et pas attendre d'avoir une solution parfaite en main. De l'autre côté, le numérique est souvent déconnecté d'enjeux politiques, et pour moi c'est ça notamment que peut apporter les mouvements de transition. Peut-être un supplément d'âme aussi, une orientation plus ferme et plus directe. Quand les ombres du soir chevauchent sur la lande, avec dans leur passeport Sherwood ou Brocéliande, quand les elfes titubent sous l'alcool de sorgho, dans les cercles succubes de la lune en faisceau, quand les vents de minuit décoiffent les serments des amants sous les aulnes d'un hôtel flamand, quand tes visions nocturnes t'empêchent de rêver et couvre ton sommeil d'un voile inachevé. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand les chauves-souris flirtent avec les rossignols dans les ruines d'un royaume où mon crâne est mongol, quand les syndicats brûlent nos rushs et nos démos pour en finir avec le jugement des salauds, quand un petit de petit jongle avec nos mots sans nom dans le bourdonnement des câbles à haute tension, quand tu m'offres épuisé sous l'œil d'une opaline les charmes vénéneux de tes fragrances intimes. Je n'ai plus un des mots assez durs pour te dire. Théâtre antique recèle nos orgies, Satan de Yucaire porte ma coca Pac City. Quand nos murs se recouvrent de hiéroglyphes indiens, avec nos voix blafardes on fuit pas qu'au matin. Quand tes mangoustes viennent avaler mes couleuvres dans ces nuits tropicales où rugit le grand œuvre, quand l'ange anthropophage nous guide sur la colline pour un nouveau festin de nos chers en logis. Je n'ai plus un de mots assez dur pour te dire que je t'aime. J'impose la classe et l'infini à la vulgarité glauque de la bourgeoisie. Quand les valets de cour plaideurs pusillanimes encombrent de leur voix nos silences et nos rimes, quand au détour d'un bar tu flingues au lavabo quelques juges en portant ma tête sur un plateau, quand tu branches les hélices de ma mémoire astrale sur les capteurs influx de ta flamme initiale. Je n'ai plus un mot assez dur pour te dire que je t'aime. Quand les traces de Rorschach sur la tôle ondulée servent au maître attesté d'autochtones humiliés, quand sur la Moleskine les limousines en liesse en fumant leur mucho cornes, quand les cris de l'amour croisent les crocs de la haine dans l'encyclopédie des clameurs souveraines, quand je rentre amoché, déglingué, désingué en rêvant de mourir sur ton ventre mouillé. Je n'ai plus un mot assez dur du soir poursuivent sur la lande le flash des feux arrière d'une soucoupe volante. Quand le soleil se brûle au contour de terrain, parmi les masques obscurs d'un carnaval romain. Quand l'ordre des humains nous sert dans son cocktail 7 milliards de versions différentes du réel. Quand tu pleures essoufflé au creux de ma poitrine, avec les doux murmures des fréquences féminines. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Claire Zuliani, vous êtes développeuse web ici à Épinal, vous êtes à votre compte, et puis comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes bretonne. Tout à fait, je suis née à Rennes, où j'ai passé une grande partie de mon enfance et de ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans. Donc j'ai une formation bac scientifique, puis ensuite études littéraires, et pour finalement passer par la case Sciences Po à Rennes. Et je suis ensuite partie à Lyon pour boucler mes études, pour boucler mon cursus. Et à Lyon, j'ai commencé par faire un master pro en développement culturel. Puis j'ai été embauchée pendant 4 ans par une association lyonnaise, donc sur des postes d'administration et de communication. Et c'était une association qui travaillait sur le champ des arts numériques. Alors justement, j'allais dire, on attend bien sûr le lien, ce point de transition entre votre formation initiale, plutôt tournée vers la culture, et puis le numérique. Comment ça s'est passé? Alors le terme art numérique peut donner déjà un indice. Disons que sur le poste de communication que j'occupais, j'étais frustrée parce que je n'avais pas la maîtrise des outils que j'utilisais. Et que j'avais l'impression vraiment de pouvoir faire, en sachant coder, je pourrais faire plus, œuvrer plus. Et le fait que je travaille dans les arts numériques m'a amené à faire quelques ateliers autour du code créatif. Et c'est comme ça que j'ai pu voir que c'était une matière qui me plaisait. Alors c'est quoi le code créatif, Claire Zuliani ? Le code créatif, c'est du code qui permet de générer des images, du mouvement. Ça peut être du code qui est utilisé pour faire des installations interactives. Donc des lignes de code qui permettent de créer des arbres mouvants, etc., etc. Donc ça, c'est des toutes petites bases. On peut faire des choses très intéressantes avec du code créatif. Ça veut dire que vous êtes arrivée au numérique par la frustration, Claire Zuliani ? Par la frustration d'un côté et par une certaine lassitude du milieu associatif et du milieu culturel de l'autre. Pour quelle raison ? J'avais 28 ans, je commençais à avoir d'autres aspirations dans ma vie personnelle, besoin de plus de temps, besoin de plus de moyens financiers. Et comme c'est souvent le cas dans le milieu associatif, on va dire qu'on était dans une certaine précarité. Je travaillais énormément et mes perspectives de développement professionnel étaient relativement faibles. Et je commençais à perdre foi dans la culture en tant que telle, en vérité. Je ressentais le besoin d'avoir une action qui était peut-être plus frontale et plus directe. Mais avant tout, c'était la fatigue qui me gagnait et j'ai ressenti le besoin de changer d'emploi, de changer complètement de voie et de me reconvertir ailleurs. Je savais que le code m'intéressait, je savais que c'était un secteur qui était plus porteur et je sentais qu'il y avait moyen malgré tout à un moment de me rattacher à mes aspirations premières de changement sociétal, mais cette fois à travers le code. Le code pour changer le monde. Claire Zuliani, aujourd'hui, comment vous avez à ce moment-là acquis précisément cette compétence dans le numérique ? Je suis bêtement et simplement retournée sur le banc de l'école. Donc je suis retournée à la fac, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque et pendant un an je me suis formée au numérique en DUT, en année spéciale, donc les 2 années en une. Puis ensuite j'ai effectué un stage dans une agence, puis ensuite j'ai fait une licence pro dans cette même agence, donc en alternance, et c'est l'agence dans laquelle j'étais m'a embauchée. Et donc j'ai passé 3 ans et demi dans une agence de communication lyonnaise et c'est auprès de leur équipe que j'ai vraiment appris le métier de développeur. Et vous êtes une rebelle ? Une rebelle, non, c'est beaucoup dire. Je suis. C'est presque un cliché, le cliché des trentenaires actuels qui cherchent à changer de voie et à remettre du sens. Alors je pose la question autrement, Claire Zuliani. Cette envie néanmoins de changer le monde et cet attachement à l'écologie et au développement durable, ça vient d'où ? Ça vient évidemment d'une frustration par rapport à certains aspects du monde actuel, on va dire. C'est-à-dire, en particulier ? En particulier, de façon très globale, je pense qu'il y a beaucoup de ressources. On sait, il y a vraiment des chiffres là-dessus que le monde du travail est de plus en plus productif, qu'on produit de plus en plus de valeur. Et bizarrement, cette valeur est de moins en moins bien répartie. Donc il y a déjà cet aspect-là qui me chagrine fortement. Finalement, ce n'est pas forcément tant que l'écologie que ça, disons que c'est l'écologie intégrée dans un ensemble de problèmes qui sont problèmes sociaux dans un sens large. Et c'est ces questions-là qui m'intéressent. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Claire Zuliani, développeuse web à son compte, à votre compte, à Épinal. Alors évidemment, à Épinal, mais ça ne vous empêche pas aujourd'hui d'intervenir ailleurs qu'Épinal, et puis peut-être même dans le monde entier. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors, on est plutôt coup de cœur. J'ai envie de porter des initiatives positives et pas simplement de râler tout le temps. Essayons de proposer des solutions. Mon coup de cœur, c'est une plateforme web qui est développée depuis 4 ans et dans une version qui est relativement stable depuis un an, qui s'appelle Communecté. Communecté se veut être une plateforme qui soutient des initiatives locales. Donc c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des initiatives. On s'inscrit en tant que personne, on peut s'inscrire en tant qu'organisation, mettre en place des agendas, afficher ses valeurs, se mettre en lien sur son territoire, créer des cartes sur des thématiques particulières sur des territoires. Et l'intérêt que je vois dans cette plateforme-là, c'est notamment une démarche qui est très respectueuse des données qui y sont utilisées et qui est une démarche aussi de mise en commun. Toutes les données qui sont saisies peuvent être exploitées par ailleurs et ils travaillent vraiment sur la constitution d'un commun. Je ne sais pas si la thématique des communs, c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous évoque quelque chose. J'allais vous proposer de le préciser, Claire Zuliani. Les communs, c'est une thématique dont on parle de plus en plus depuis 2 ou 3 ans, qui est un domaine économique situé à mi-chemin entre le privé et le public. C'est comment un groupe de personnes décide collectivement de gérer des ressources. Ces ressources n'appartiennent pas à l'État, ces ressources n'appartiennent pas à une entité privée, mais elles sont gérées vraiment collectivement et la gouvernance de ces ressources est décidée également collectivement. En l'occurrence, dans mon domaine, il peut s'agir aussi bien de communs de données, donc des données qui sont gérées collectivement. Ça peut être des données même de comment est-ce qu'on capte des indicateurs sur la pollution dans une ville, par exemple. Et ça doit faire partie de données qui sont communes. Ça peut être aussi du code qui est commun. Et Communecté est une plateforme qui a vraiment ces usages-là en tête. On collecte des données, mais ces données, elles sont transparentes et elles peuvent être exploitées à d'autres escients et peuvent être exploités par d'autres plateformes qui respectent également la même ligne de conduite. Claire Zuliani, il y a très nettement aujourd'hui une espèce de fracture presque antinomique et surtout irréconciliable entre un usage extrêmement privatif, vous disiez en début de reportage, avec une dimension fortement capitalistique, je rajouterais presque égoïste, et puis une recherche, au contraire, communautariste de la démarche. Comment voyez-vous le monde de demain ? Alors, de deux manières, en tout cas ma question a deux angles, votre souhait, votre vœu, et puis de notre côté, la direction que semble prendre le mouvement d'une façon générale, indépendamment de votre vœu. Mon souhait, c'est avant tout peut-être presque plus de confiance. Donc confiance les uns envers les autres. Et ce qui me semble assez conciliable avec une certaine vision du numérique, plus de transparence également. Donc je le vois, mon futur souhaitable, c'est des communautés qui sont conscientes, qui communiquent bien à l'intérieur d'elles-mêmes et avec les autres, et qui font des choses ensemble en restant respectueuses de leur environnement. À vous écouter, ça m'évoque une forme de redécouverte que l'on fait actuellement de Darwin, des travaux de Charles Darwin, mm-hmm. où on a beaucoup insisté sur la dimension compétitive qui est réelle dans les travaux que, qu'a mené Darwin et de ce qu'il en a dégagé avec bien sûr la loi du plus fort, avec l'adaptation, avec toutes ces approches-là. Et puis on commence actuellement à redécouvrir les travaux, à les relire autrement, en mettant en évidence aussi l'importance de la collaboration, y compris au sein du monde du règne animal, et de l'entraide. Effectivement. Et je crois presque pas mal à toutes, on va dire, toutes les prédictions d'effondrement. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive à un moment. Et là-dessus, je fais le pari, effectivement, qu'on redécouvre encore plus fortement qu'actuellement les bienfaits et les logiques de la coopération. Donc c'est un peu mon espoir pour le monde qui vient. Claire Zuliani, vous ne seriez pas développeuse web, vous feriez quoi aujourd'hui ? Journaliste sur le terrain, peut-être. Merci Claire Zuliani pour votre accueil. Et merci à vous, revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes développeuse web à Épinal dans les Vosges, mais vous êtes aussi capable d'intervenir partout ailleurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site à l'adresse www.clairezuliani.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre « Change » par le groupe suisse Lipka, sorti en single en 2016, « Dodo Mafutsi » par le groupe nantais Inuit, et enfin « Sentiment numérique revisité » par Hubert Félix Thieffen, paru sur l'album « La tentation du bonheur », sorti en 1996. À la technique et au montage, Véronique Olivier, vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.